Ben, tout le monde aime les jeux de mots. Oui, oui. Avez-vous jamais pensé aux multiples façons qu'on utilise en français l'expression « bou » OK? Comme on dit « debout », on dit « c'est au bout ». Je suis au bout du rouleau. Bou. Bou. J'ai vu le bout du tunnel. Voilà. En bout Gomez. Voilà. Ce matin, Lynn a ouvert pour nous le grand sujet qui est le corps. Mais il y a un jeu de mots avec ce mot ce matin. Parce que le corps, nous, va examiner qu'est-ce que la Bible dit sur le corps, moi. Et nous nous trouvons encore dans le sermon sur la montagne. Et ce matin, il n'est pas nécessaire, ben, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner au texte. Mais moi, j'ai préparé une petite feuille pour vous, pour que vous puissiez continuer la réflexion pendant la semaine. Si vous avez vos Bibles, comme vous savez, on est dans le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 6, et aujourd'hui, on va regarder simplement trois versets. Les versets 16, 17 et 18. Un texte qui parle du corps humain, mais dans une optique où ceux qui décident d'accepter l'invitation de suivre Jésus portent une attention particulière sur le corps humain. Mais j'ai deux feuilles à vous donner. On va tout d'abord commencer dans le contexte. Tommy, peux-tu m'aider? Peux-tu donner une copie à tout le monde? Oui, oui, chaque personne. Oui, oui. Je pense qu'il y a une copie pour, assez de copies pour tout le monde. Voici Martin. Où sommes-nous rendus dans notre étude? Comme vous savez, depuis l'automne, on fait une étude dans le Sermon sur la montagne. Donc, on a fait le chapitre 5 où on a vu les béatitudes. Ensuite, on a vu que Dieu nous a appelés, nous, le corps, d'être le sel du monde, le sel de la terre, la lumière du monde, une ville sur une colline. Et par la suite, on a examiné tout le texte qui parle d'une justice qui surpasse. Et on a vu que la justice qui surpasse est une justice qui... une justice qui porte attention au texte biblique, mais qui poursuit un vécu et une nouvelle façon de vivre en Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et dans le chapitre 5, Jésus a donné 6 exemples d'une justice qui surpasse et qui dépasse la lettre des textes pour trouver comment vivre dans notre vécu en tant que corps en Jésus-Christ. Et ces 6 illustrations de Jésus portaient particulièrement sur nos relations les uns avec les autres. Depuis 2 semaines, en chapitre 6, Jésus change l'optique. Et maintenant, il va parler d'une justice qui surpasse dans notre relation avec Dieu. Donc, j'ai fait taper ce petit document, juste pour vous aider. Chapitre 6 et le verset 5. « Lorsque vous priez, et le comportement habituel, comme on a vu, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans leur synagogue et au coin des rues pour être vus des hommes. » Ça, on l'a vu la semaine passée lorsqu'on a parlé de notre communication. Jésus dénonce l'hypocrisie pour une foi qui s'occupe de son propre rayonnement. Et l'attitude qu'il faut développer, c'est une attitude d'humilité, de sincérité. Comme on a vu la semaine passée, la communication avec Dieu. Un autre exemple, si vous tombez dans la troisième rangée, voici ce qu'on a vu. Lorsque tu fais le monde, ne sonne pas la trompette devant le monde. Et on a parlé des grandes murailles dans nos institutions québécoises, le musée des Beaux-Arts, les hôpitaux, où tout le monde sonne avec trompette leur don. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que la main gauche ne sache pas ce que fait la main droite, afin que ton aumône, afin que ton offrande, afin que le dîme se fasse en secret, parce que Jésus encourage l'humilité et la sincérité. Et donc, vous voyez, avec la prière, ainsi que l'aumône, voici ce que Jésus nous encourage. Dans notre vie comme corps, Jésus veut que nous ayons au-delà de la lettre des textes pour être des personnes dans notre vécu en lui, en Jésus-Christ, comme disciples qui ont accepté l'invitation de le suivre. L'impératif, ce n'est pas simplement de donner l'aumône et sonner à tout le monde. Ce n'est pas de prier pour que tout le monde nous voit, mais avec une sincérité et une humilité. Et ça nous rappelle de ce qu'on a vu dans les béatitudes. La première béatitude, heureux celui et celle qui se voit pauvre en esprit. Et cette pauvreté d'esprit se manifeste dans notre façon de gérer notre argent, dans notre façon de prier et communiquer avec Dieu. Et aujourd'hui, on arrive maintenant pour le troisième, qui est le deuxième dans mon texte. Lorsque vous jeûnez. Évidemment, lorsqu'on parle du jeûne, on parle de la façon qu'on gère notre corps. Maintenant, je vous invite de garder la page jaune. Est-ce que c'est jaune? C'est beige. Beige? Gardez ça parce que vous voyez, la semaine prochaine, on va faire le quatrième rangée. Mais aujourd'hui, on va parler de notre corps. Donc, voici. Cindy, si tu peux. On va regarder le texte. Il y a deux citations que nous allons regarder à la fin, mais on va concentrer dans un premier temps sur le texte. Et j'ai décidé de faire ce texte pour vous aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose que je vais vous inviter de faire cette semaine, donc dans une optique de vraiment pratiquer ce que nous étudions le dimanche matin. J'ai décidé de mettre ceci par écrit. Pour nous. Donc, au milieu de la page bleue, deux autres ici. Voilà, OK. Donc, au milieu de la page bleue, voici le texte pour aujourd'hui. Lorsque vous jeûnez, regardez la première phrase clé. Ne prenez pas un air triste. Comme les hypocrites, ils se rendent le visage tout défait. Ça, c'est la deuxième expression clé. Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, et vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu comment Jésus a alterné entre le « vous » et le « tu ». Il fait la même chose ici. Lorsque vous jeûnez, il parle à ses disciples. Mais lorsqu'il arrive au verset 18, c'est comme il penche et il regarde Martin et il dit, « Mais Martin, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, aujourd'hui, le corps, nous, regarde notre corps. Commençons tout d'abord. Qu'est-ce que c'est le jeûne? Dans l'Ancien Testament, la pratique du jeûne était mandatée dans un texte, en Lévitique 23. lors de la grande journée de la célébration de l'expiation des péchés. C'était l'événement lorsque les Israélites ont choisi un bouc. Et afin de symboliser que le péché est expié pour la communauté, le bouc a été chassé de la communauté, loin de la communauté. Et c'était pour symboliser que le péché est expié et pardonné. Pour cette journée, le peuple a été mandaté de jeûner. Qui veut dire que pendant un période de temps, et le période de temps n'est pas explicité dans le texte, mais c'était probablement 24 heures. Et n'oubliez pas, hein, ils étaient dans le désert. Pendant 24 heures, ils ne mangeaient pas des aliments. Donc, c'était une jeûne. Rendu à l'époque de Jésus, les pharisiens, donc ce groupe de personnes religieuses, même leur nom, pharisiens, voulait dire en hébreu, les séparés. Ils jeûnaient deux fois par semaine, le mercredi et le jeudi. Et même Jésus en parle de cette pratique en Luc chapitre 18. Mais à part de cela, nous avons des exemples précis dans l'Ancien Testament où des personnes différentes ont cessé de manger pour une période de temps. Dans 2 Samuel, le peuple n'a pas mangé. Néhémie, lorsqu'il est arrivé pour reconstruire la muraille de Jérusalem, a mandaté les gens de jeûner. En psaume 35, David parle de ce jeûne que lui, il a pratiqué. Daniel chapitre 9, Daniel a été traumatisé par le péché du peuple qu'il a jeûné pour le peuple. Ce matin, j'ai lu en Jonas qu'une fois que le peuple de Ninive ont confessé leur péché, le roi a mandaté un jeûne de toute la nation. Et ils ont cessé de manger pour symboliser le deuil pour leur condition pécheresse. Peut-être vous vous souvenez aussi en Esther, lorsque Mordéché a trouvé le complot contre le roi. Il a dit à Esther, priez et jeûnez pour que tu puisses expliquer les enjeux au roi. Donc, si vous mettez tous ces textes ensemble, nous nous rendons compte que dans l'Ancien Testament, régulièrement, à part de la grande journée de l'expiation des péchés, le peuple pratiquait un temps où ils n'ont pas mangé, afin de confesser leurs péchés, afin de vivre en communion avec Dieu, afin de demander une requête particulière ou précise, afin d'être en bonne communion avec Dieu. Mais peut-être le texte le plus important dans l'Ancien Testament se trouve en Ésaïe 58. Le vrai jeûne. Et le vrai jeûne, selon Ésaïe, n'avait absolument rien à voir avec la bouffe. Le vrai jeûne, c'était de prendre soin des pauvres, des opprimés, les veuves, les personnes en détresse. Qui veut dire qu'il fallait prendre un jeûne des actes d'oppression, de manipulation et de mépris envers les pauvres. Donc, lorsqu'on arrive dans ce troisième texte en Matthieu 6, où Jésus explique une justice qui surpasse, une justice qui plaît à Dieu, et lorsqu'ils mettent l'accent sur notre relation avec Dieu, ils passent de l'aumône ou le dîme à la communication avec Dieu, et maintenant il dit, lorsque vous jeûner. Donc, c'est prendre pour acquis que les gens allaient jeûner. Maintenant, on arrive pour un jeu de mots. Même, oui, il y a un jeu de mots dans le texte. Le texte dit, « Ne prenez pas une air triste. » Ce mot ici, dans le texte original, donne l'idée de ruiner son visage, de tordre son visage, de tellement tordre son visage que il est presque pas reconnaissable. Donc vous pouvez imaginer quelqu'un qui décide de jeûner. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ruine son visage. Et Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne tordez pas votre visage. Comme font les hypocrites. Okay? Ça, c'est la troisième fois qu'on le voit. On l'a vu avec le monde, on l'a vu avec la prière. Avec le monde, les gens utilisent les trompettes. Avec la prière, les gens s'assoient au coin des rues et dans les places publiques pour faire leur prière. Maintenant, Jésus dit, les gens, ils sont comme des hypocrites, ils tordent leur visage. Et vous pouvez facilement comprendre comment ça peut arriver. Si on ne jeûne pas pour 24 heures, 48 heures, 72 heures, 96 heures, on commence de vivre une certaine... Et c'était accentué pour attirer l'attention. Donc Jésus dit, ils se rendent le visage tout défait, ils rendent leur visage pas reconnaissable, mais avec les deux expressions, ne prenez pas une air triste et se rendre le visage tout défait, c'est presque le même mot dans le texte original, avec l'exception de une lettre, de deux lettres. Donc, ne tordez pas le visage pour que vous soyez invisible. Et Jésus dit, c'est ça que les hypocrites font. Les gens qui tordent leur visage lorsqu'ils jeûnent, ils veulent attirer l'attention sur eux-mêmes. Et vous pouvez imaginer, si quelqu'un arrive à l'assemblée et son visage est tout, vous allez dire, oh, il jeûne, quel bon chrétien, oh, chapeau. C'est la même chose. Quelqu'un arrive pour mettre son dîme dans la boîte et il arrive en trompette. Oh, il soutient l'Église. Chapeau! On arrive ici et quelqu'un prie et il chante et il crie. Oh, bon chrétien, il prie. Jésus dit, faites pas ça. Parce que lorsqu'on donne, lorsqu'on prie, lorsqu'on jeûne, la question fondamentale est, vous cherchez l'approbation de qui? Vous cherchez les applaudissements de qui? Vous voulez être approuvé par qui? Donc, Jésus ajoute à la fin du verset 17, en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Et là, on voit la répétition de ce que Jésus a dit. Et comment est-ce que les gens qui jeûnent, qui tordent leur visage, comment est-ce qu'ils ont reçu leur récompense? Ben, les applaudissements des gens qui les voient. C'est comme les gens qui donnent leur dîme avec trompette. Oh, leur nom se trouve sur le mirail. Comme les gens qui prient dans les places publiques pour attirer l'attention, ils ont reçu l'applaudissement des foules. Mais Jésus dit, mais toi, quand tu jeûnes. Donc maintenant, il parle à l'individu. Il dit, parfume ta tête et lave ton visage. Pour ainsi dire, il n'est pas nécessaire de s'habiller d'une façon particulière. Il n'est pas nécessaire d'attirer l'attention. Il n'est même pas nécessaire d'expliquer ce que vous faites. Le verset 10, 17, on peut le traduire. Soyez normal. Soyez normal. Soyez humain. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Pour ainsi dire, il faut que la vie continue. Parce que l'approbation, l'auditoire, les applaudissements viennent de ce Dieu qui voit en secret. Ce Dieu, comme nous avons déjà vu, qui est omnisciente, qui connaît tout et qui est omniprésente, qui est partout, il voit. Et il voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc, quand je jeûne pour avoir une réponse à une prière, quand je veux intercéder, quand je jeûne parce qu'il faut que je me plie devant Dieu en confession ou en besoin, quand je jeûne parce que je veux intercéder pour des amis ou des collègues qui ont besoin, Dieu le voit. Et ce qui est important, ce n'est pas l'autre, mais c'est Dieu. Et dans ce troisième exemple que Jésus donne, si je veux avoir une justice qui surpasse, je ne vais pas le faire pour la foule ni à la lettre du texte. Mais je vais le faire devant lui et devant lui seul. Et ensuite, je vais m'aligner avec le caractère de Dieu, l'alliance de Dieu et ce que Dieu désire. Maintenant, c'est ça que le texte dit. C'est très simple. Encore, la sincérité et l'humilité. Mais la question qu'il faut discuter aujourd'hui, c'est comment pratiquer le jeûne aujourd'hui? Pourquoi pratiquer le jeûne? Donc, j'ai soulevé trois questions ici, sur la page bleue. Et la première question est très simple. Qu'apprenez-vous au sujet des bons et des mauvais motifs à partir de l'enseignement de Jésus sur le jeûne dans ce texte biblique? Donc, en regardant le texte et en écoutant mon explication, qu'est-ce que vous apprenez au sujet des bons et des mauvais motifs pour pratiquer le jeûne? Qu'est-ce que c'est le jeûne pour vous? Oui. Ça doit être fait dans l'humilité. OK, oui. Alors, ça veut dire l'humilité, ça veut dire pas pour l'autre. Oui, OK. C'est personnel et privé. OK. Très bien dit. Les bons motifs doivent être l'humilité et même, c'est bien ce que tu dis, Daniel, c'est privé. Oui. Des fois, on va parler des différentes pratiques de jeûne dans deux secondes, mais régulièrement, je fais un jeûne de 3 jours. Je bois de l'eau ou du thé, mais je ne mange pas de bouffe. Mais ma vie continue. Et tout récemment, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Et j'étais avec les gens. Donc, évidemment, il y avait la nourriture pendant nos discussions. Et j'ai dit aux gens, non, non. Et j'ai fait paniquer mes amis. Mais Glenn, est-ce que tu es maintenant? Non, ça va, pas de problème. Juste, non, je ne veux pas manger. Oh, mais Glenn, prends ceci. Et non, non, non, ça va. OK. Mais j'ai décidé, surtout sur ce texte, que ce que je fais, c'est entre moi et Dieu. Mais c'est vrai, ça peut désarmer les gens. OK. Mais humilité et en privé. D'autres choses sur les bons et les mauvais motifs que vous voyez dans ce... Oui, Sandy. OK, donc une motivation, donc on joue avec Dieu. OK. Non. C'est comme on dit, OK, généralement je lis un chapitre de la Bible par jour. Cette semaine, je vais lire deux chapitres par jour. Et Dieu va me m'aimer 100% plus. Daniel. Le bon côté, je dirais que à partir du moment où tu jeûnes, il y aurait quelque chose qui serait... c'est d'être à l'écart. Et ton être devient plus sage. Et tu peux t'approcher d'une façon plus sereine pour peut-être prier. Okay. Ou avoir un entretien privé avec Dieu. Okay. Yeah. Alors tu prépares par le jeûne un geste de. D'humilité, mais aussi faire un pont. Je vais faire un pont. Je pense que je te suis. Oui. J'aimerais donner. OK. OK. Bah, OK. Là, je vais. Si je. On mange pas. Quand on fait un jeûne de bouffe, nos énergies physiques, émotionnelles et spirituelles sont orientées vers d'autres choses. Un pont est créé afin de concentrer sur d'autres choses plutôt que sur le corps. Et ça m'amène à ma question. La place du corps humain dans notre spiritualité. N'oublions pas. N'oubliez pas. Lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, okay, le mot-clé pour la série dans le sermon, c'est l'invitation précède. Impératif. OK, voilà, ça va? OK, c'est mieux. OK, merci, Martin. Donc, lorsque nous avons décidé de suivre Jésus, on le suit dans notre corps. On ne le suit pas simplement avec notre tête. Et même, je me souviens, lorsque moi j'étais jeune, peut-être vous vous souvenez, on a dit aux jeunes d'inviter Jésus dans son cœur. C'était pas une bonne explication. Parce que moi, j'ai pensé que Jésus était simplement dans mon cœur. Et ça, j'ai pas tout à fait saisi. Comment est-ce qu'il peut être là-dedans? Mais c'est une métaphore, je comprends maintenant. Mais on suit Jésus avec notre corps. Qui veut dire qu'il faut que le corps soit maîtrisé? Il faut que je renonce à certaines choses pour que je puisse le servir avec tout mon être. Et le jeûne a pour but de maîtriser le corps, de ne pas être dépendant sur certaines choses. Le jeûne, je suis en train de dire non, dans cet exemple, la bouffe, pour concentrer sur les vérités spirituelles. Certaines personnes vont prendre un jeûne, peut-être du sucre. Certaines personnes vont dire non au café. Certaines personnes vont arrêter de manger la viande rouge. Afin d'être capable de dire non à certaines choses physiques, afin de maîtriser le corps et être concentré spirituellement sur les vérités spirituelles. On s'approche en deux semaines à la saison avant Pâques, le carême. Et dans la tradition catholique romaine, le carême est beaucoup et toujours pratiqué, où les gens disent non à quelque chose pendant les 40 jours avant Pâques, afin de concentrer sur la mort de Jésus-Christ. Dans la tradition protestante, on a souvent réagi à cela. Mais en soi, c'est une bonne pratique. Donc, lorsqu'on parle du jeûne, plutôt de faire ça simplement pendant 40 jours de l'année, on parle de faire ça régulièrement. Mais le texte ne dit pas qu'il faut le faire une fois par semaine, ou deux fois par semaine, ou une fois par mois. Le texte simplement dit « quand ou lorsque vous jeûnez ». Mais moi, j'aimerais vous proposer d'autres sortes de jeûnes. On vit, comme vous savez fort bien, dans une époque où la technologie domine. N'est-ce pas? Moi, j'ai dû commencer de pratiquer le jeûne du courriel. Un jour par semaine, je ne touche pas à mon courriel. Parce que qu'est-ce qui arrive? Avec le train-train de la vie, on est esclave du courriel. Et le jeûne est une pratique spirituel afin de dire non à nos esclavages. Donc, sur le dos de la page bleue, je vous invite de lire les textes sur le corps et de répondre à la question « Quelle est la perspective de Dieu sur votre corps ?» Et pendant cette semaine, je vous invite de faire le bilan. Y a-t-il des choses que je fais avec mon corps où il faut que je pratique un jeûne? Peut-être c'est une émission à la télé. Peut-être c'est une revue ou un magazine. Peut-être c'est un aimant. Mais la question c'est, où est-ce que je suis captif, esclave, pris dans mon corps et j'ai besoin de faire un petit arrêt afin de concentrer sur Dieu en Jésus-Christ. Mais en même temps, de le faire en humilité et en sincérité. Parce que finalement, notre relation avec Dieu est liée à notre corps. Et pour cette raison, il faut que le corps soit en forme pour avoir cette relation avec lui. Je vais vous suggérer, et même Daniel Morin nous a rendu un petit service, avec le message de ce matin sur le blog, elle a aussi mis le chapitre 4 de ce livre de Richard Foster, « Éloge de la discipline ». Le chapitre 4 s'intitule « La discipline de jeûne ». Et Daniel l'a mis sur le site web, sur le blog aujourd'hui. Et si vous voulez avoir une excellente explication de quoi s'agit-il une jeûne et sur comment le pratiquer? Il donne plusieurs bons exemples. Cette lecture vaut vraiment la peine. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, dans notre relation avec lui, comme on fait avec notre argent, comme on fait avec notre communication avec lui, on le fait avec nos corps. Et on pratique le jeûne, pas d'attirer l'attention sur nous-mêmes, mais de mettre l'accent sur notre relation avec lui, en humilité et en simplicité. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions ce matin pour le sermon et pour cette invitation de tellement bien maîtriser nos corps que nous puissions, en humilité et en simplicité, t'écouter et avoir une relation intime avec toi. Donc cette semaine, Seigneur, continue de nous animer par ton esprit pour que nous puissions pratiquer une justice qui surpasse la lettre des textes pour entrer dans une vie centrée dans ton Fils Jésus. En son nom, nous prions ces choses. Amen. Bonne semaine.